Avec le développement d'une conscience supramentale, la véritable personne commence à transparaître. Une tendance plus permanente dans le processus de croissance de l'être entier se fait sentir, soulageant l'ego des gymnastiques du passé et lui permettant d'acquérir enfin de plus en plus de certitude envers le nouvel état d'esprit qui évolue à travers une conscience élevée des illusions ayant constitué son image miroir. La personnalité est fort intéressante en ce qu'elle offre à l'ego la marge de manœuvre nécessaire à ce qu'il puisse se mesurer à d'autres égos par l'assertion de ses propres illusions. La personnalité est l'image que requiert l'ego dans le monde lorsqu'il traite avec des ennemis ou amis. Il s'agit d'une fausse assurance à laquelle l'ego confie sa sécurité, puisqu'elle est constituée des reflets égocentriques de l'intellect qui est à entretenir l'image qu'il se fait de soi. La psyché est façonnée, à un degré avancé, par son lien avec le plan astral. En raison de notre ignorance des lois astrales et de leur imperfection, nous sommes victimes dans la recherche de notre réelle identité. Par le cours infini de la désinformation subtile et moins subtile qui assaillit notre mental, les entités jouissent de notre défaut de connaissance de soi et maintiennent un pouvoir non apparent mais affligeant sur nos psychés. L'identité ne peut jaillir que de notre éveil à la source de nos pensées, suivi de la déastralisation du processus de la pensée. Lorsque l'ego a atteint une réelle identité, il cesse d'être affecté par son énergie astrale ou celle des autres. L'âme doit être renouvelée dans son énergie si elle doit devenir libre de ses pensées astrales périphériques, ou égrégores. Ceci n'a lieu que lorsque les habitudes égocentriques de la pensée, formées au cours de la phase inconsciente du développement du mental, ont été éliminées. L'ego inconscient est un facteur limitatif dans l'évolution vers la conscience. Il engage son potentiel pour combler des besoins qui offrent une mesure de sa force fictive ou faiblesse, selon le statut spirituel de l'âme. Il ne peut dominer les forces internes de l'âme à travers un moi affaibli, dépourvu d'un éveil aux puissances à l'œuvre qui cherche à le dominer par le lien astral, totalement occulté et pourtant constituant l'élément le plus important de la vie mentale inconsciente. Une condition si accablante est suffisante pour miner le plein développement de la conscience et de court-circuiter l'intelligence créative. Elle est la cause derrière l'ignorance fondamentale de la science de la vie et de l'expérience karmique qui nous confine à jamais à la souffrance existentielle. Le niveau de la conscience psychique de l'ego doit être élevé afin qu'il puisse être soutenu au cours de la période difficile où la conscience commence à signifier bien plus que ce qui apparaît à la surface. La mémoire est le seul soutien du savoir égoïque qui bénéficierait de la communication supramentale prépersonnelle avec des plans de vie intelligents et qui favoriserait l'éveil au lien commun unifiant l'ego à la source de la pensée. L'ego fait usage de la mémoire pour soutenir son illusion de la compréhension de sa réalité expérientielle, laissant le moi impuissant de par son isolement de sa source. Un mur d'opinions égocentriques rend l'accès à la réalité du mental impossible. Le moi, en substance, est le centre de l'âme, il est le centre même de son énergie, l'essence dont nous sommes faits. Lorsque l'âme se voit appesantie de trop de mémoires obstructives et inutiles, le moi est incapable de canaliser les forces émanant de sphères supérieures qui tentent l'union avec lui afin que l'ego reçoive l'impulsion créative nécessaire à l'accomplissement d'un destin conscient. La conscience peut être qualifiée de moi psychique lorsqu'elle a délaissé l'égocentricité qui filtre les courants subtils de la pensée se déversant depuis les plans psychiques. Il est essentiel à l'équilibre psychologique de l'ego qu'il puisse éventuellement utiliser cette énergie mentale en vue de maîtriser la désinformation qui magnétise l'ego et qui accroît ses illusions spirituelles. Ceci est le dernier pont que nous devons franchir avant le contact avec les plans mentaux supérieurs du mental conscient. L'ego n'est guère familier avec la pensée consciente et a tendance à colorer son expérience en raison de sa naïveté spirituelle. L'univers est un vaste souterrain occulte de forces devant être contrôlé à travers un éveil pouvant prémunir contre les méandres naïfs d'une conscience emplie de désirs pour l'élévation spirituelle. L'homme est un être intelligent. Il doit être vigilant dans les affaires de ce monde, et encore plus dans celles de la psyché. La pensée psychique supplée la conscience humaine. Elle est difficile d'accès, par défaut d'une compréhension des failles astrales du mental. Une fois éveillé à l'intelligence prépersonnelle, l'ego doit apprendre à traiter avec eux par une communication semblable à son expérience physique. Les forces à l'œuvre sur les plans psychiques doivent être maîtrisées. Jusqu'à ce que l'ego ait été éveillé à la conscience de son contact, il demeure un pion dans une joute cosmique, où les caprices de l'astral ont écarté l'humanité de la communication consciente pendant des millénaires. L'ego conscient est une force en soi. Il perçoit une vision globale ayant l'habileté d'entrevoir la composition astrale de la conscience planétaire. Le problème que posent les courants de la spiritualité, autant moderne qu'ancien, réside dans ce fait que nous avons tendance à les prendre pour acquis alors qu'en fait elles représentent des formes subtiles de manipulation astrale ne pouvant être esquivées que par un éveil accru aux failles psychiques qui sous-tendent la construction des visions spirituelles. La conscience évolutionnaire contrecarrera le processus astral du mental. La collaboration avec les forces de la communication mentale intelligente constituera la base d'un équilibre créé par une lutte interne pour une réelle liberté. L'être passif spirituel, ignorant les lois astrales du mental, sera transformé. Reprendre contrôle de son moi psychique impliquera l'accroissement de son éveil aux lois qui gouvernent l'astralité spirituelle de sa conscience. La conscience astrale n'appartient pas à la vie mais au monde de la mort. La conscience humaine doit être libérée d'une telle condition involutive afin d'accroître le libre partenariat créatif avec tous les plans de réalité d'où l'énergie est issue. Lorsque les manières et les moyens de la manipulation spirituelle ont été mis en lumière, l'ego commence à comprendre le moi réel. Le développement du moi et son maintien, dans un état d'équilibre permanent, requiert un ego mentalement libre, c'est-à-dire en plein contrôle de la qualité de ses pensées. Lorsqu'un tel contrôle a été atteint, l'ego devient conscient du moi et bénéficie créativement du contact de la pensée avec les plans du mental à partir desquels le double, où le principe cosmique s'actualise à travers le moi conscient, ou le centre de l'âme vers le bas, par l'ego transparent ou la personne réelle, par opposition à la personnalité. L'ego est une lentille à travers laquelle les pensées mentales ou astrales façonnent la conscience. Lorsque cette lentille a été suffisamment polie par la vie et par l'éveil aux pièges astraux qui accompagnent la pensée subjective, il développe une habileté accrue à percevoir les fins registres de l'intelligence prépersonnelle, est libre de la manipulation astrale. L'intelligence prépersonnelle a l'essence du génie créatif et indique la qualité ultime du développement conscient de la pensée. L'ego objectif constitue la voie d'accès à la conscience créative lorsqu'il commence à réaliser la nature multidimensionnelle de la réalité du mental. Jusqu'à ce point, il n'est qu'une personnification de réactions subjectives, une addiction aux habitudes mécaniques de la pensée, une incapacité à différencier la pensée véritable de l'indulgence envers soi. La conscience objective de la pensée est fondamentale et révolutionnaire. Elle accroît le niveau d'éveil, bien au-delà de celui que connaît l'humanité actuelle. L'évolution de la conscience est reliée à des facteurs pouvant être saisis par la maîtrise des forces astrales qui dominent une intelligence enracinée dans un seul émotif. L'ego, étant à la base une masse informe d'émotions et d'opinions, est la source de la duperie du moi, jusqu'à ce que le choc de l'étendue de la programmation de l'âme ait été constaté. Il n'a jamais été un agent libre à travers une relation équilibrée avec les plans supérieurs, demeurant ainsi constamment affligé et plaintif dans une expérience de vie qui soutient les forces de l'âme et affame la conscience. L'âme, en tant que système énergétique, doit être déprogrammée à travers les perceptions de l'intelligence prépersonnelle portant sur l'ego. Jusqu'à ce qu'une telle vision ait été acquise, il est impossible que l'ego puisse atteindre la connaissance de soi et de sa source, n'ayant aucun contact avec une réalité englobante. La communication mentale est un point de mire unique pour le développement compréhensif de l'ego. Une fois cet aspect de la réalité du moi saisi, l'ego cesse de faire opposition à ses dynamiques créatives et à son objectivité psychique. Dans son inconscience, il n'est qu'un véhicule d'expression pour l'âme, cet esclave inutile du monde astral dont il est issu et auquel il retournera. L'âme est mémoire et l'ego inconscient est son canal. Lorsque l'ego devient conscient des lois occultes du mental, il cesse d'être esclave de l'âme. Il commence à utiliser ses propres forces pour le développement d'un partenariat créatif avec les plans supérieurs du spectre invisible de l'intelligence. La destinée consciente réside dans l'évolution supérieure de sources psychiques, sinon latentes, correspondant à l'architecture du mental. L'univers est peuplé d'intelligences qui se distinguent par leur niveau d'expérience par rapport à la nôtre, en raison de la qualité des mondes qu'ils habitent. Notre myopie rationnelle rend difficile le fait d'imaginer que la réalité soit autre que ce que nous croyons. Or, nous nous permettons aisément de communiquer avec ces mondes interdimensionnels à travers la formulation mécanique de la prière. Si nous étions plus près de notre moi réel, la prière se convertirait rapidement en une forme surannée de communication inconsciente substituée par un contact direct par le réseau psychique de la communication. nous serions introduits à la nature intelligente de la réalité de l'univers. Tout le fondement de l'expérience de vie subjective est relié à l'incapacité qu'éprouve l'ego à extraire une forme de communication supérieure de son expérience mentale, un savoir qui coexiste avec les fonctions mentales inférieures, ou de l'intellect. L'ego en soi ne pose pas problème car il ne représente qu'une part du développement psychique de la conscience. Il devient une entrave lorsqu'il y a réflexion portant sur des données psychologiques, ce qui forme les illusions du fondement de la personnalité plutôt que d'objectiver le cours prépersonnel de la pensée qui jaillit de la relation créative avec des forces qui soutiennent la réalité, au-delà de l'expérience psychologique. La suprématie de l'évolution psychique sur l'expérience psychologique se trouve dans sa nature multidimensionnelle. L'évolution psychique est la prochaine étape du développement de la conscience égoïque. On ne peut vivre indéfiniment dans l'absence d'une conscience fermement enracinée dans le mental. Il ne s'agit guère d'une question de choix mais de nécessité évolutive. La vie est, à la base, un processus infini de développement de la part physique et subséquemment psychique de la nature humaine. Elle devient psychique à la jonction de la matière génétique avec la conscience cellulaire. L'ego subjectif est temporairement déficitaire du lien naturel entre ces deux strates de forces vitales en développement. La psyché est la sommation des forces qui alimentent et maintiennent l'harmonie entre la matière génétique et la conscience cellulaire. Lorsque cette harmonie est détruite pour des motifs soit karmiques ou accidentels, elle cesse d'opérer à l'aide d'énergie provenant des plans supérieurs. La conscience astrale prend alors le dessus et interrompt la ligne de vie reliant l'ego à la réalité. La science supramentale de l'ego est créative et utile lorsqu'elle accentue l'éveil du moi et de sa conscience sous-jacente. Elle peut être appliquée à partir d'un point d'observation ne pouvant être coloré, car elle démontre le rapport de force psychique actualisé de manière à manipuler selon le degré de maturité de l'ego. À titre d'outil créatif pour l'investigation interne, elle prend en considération non seulement la contrepartie humaine mais aussi sa contrepartie astrale, telle que révélée par le pouvoir de l'âme sur l'ego, dans les phases inconscientes de l'expérience de vie. L'incapacité d'entrer en relation consciente avec des plans d'intelligence supérieure, dont le rôle est de véhiculer l'énergie à travers le mental avec toujours plus d'efficacité, crée l'expérience du doute et de l'incertitude, limitant la conscience de la vie à des bases primitives. Ceux-là même qui jouissent d'une certaine liberté de leur personnalité subjective, à travers un contact psychique avec d'autres plans, ne comprennent pas les lois de ces plans. Ils sont influencés de manière telle à ébranler leur fascination s'ils prenaient conscience des pièges qui correspondent à l'étendue de la naïveté que connaît tout être psychique qui persiste à traiter avec des forces, sans mettre en cause leur origine ou leur lumière. L'homme nouveau défiera toutes les forces qui se dressent au-dessus de lui dans les sphères psychiques, et portera son ego à un état de transparence qui le séparera nettement de la conscience de la masse. Le prix à payer sera grand, car il n'a jamais fait l'expérience de ce qui lui appartient, c'est-à-dire la liberté créative totale du mental. Celle-ci ne lui sera donnée que lorsqu'il s'en sera lui-même emparé. Il y a moins d'amour dans le monde invisible que nous n'aimerions le croire, de par notre nature spirituelle émotionnelle et naïve. Nous ne pouvons imaginer à quel point la réalité est fondée sur le pouvoir et la conscience humaine est loin d'en comprendre les lois. L'univers ne partage pas, à parts égales, les idéaux spirituels humains. Les forces psychiques qui sous-tendent l'activité mentale humaine sont beaucoup plus astrales que nous n'avons été amenés à croire, et le rôle futur de l'humanité dans l'évolution du mental sera de restaurer son ordre naturel. Ceci requiert un degré minimal d'intelligence objective créative, qui ne peut être obtenu que par la dissolution du lien émotif avec la spiritualité. Et jusqu'à ce que la spiritualité ait été libérée de l'émotion et comprise intelligemment, elle demeurera le plus puissant outil astral sur Terre. Le regain du plein contrôle de la pensée consciente et de la liberté créative implique que soient rompus les liens entre le plan de la mort et le moi réel. La réalité humaine ne peut être divisée indéfiniment. Si nous devons accéder à notre partenariat créatif avec des plans d'énergie qui constituent notre entière réalité, à titre d'êtres évolutionnaires, nous ne pouvons renier un savoir appartenant à une ère nouvelle. Nous sommes complets en nous-mêmes mais partiels en dépit de nous-mêmes. Nous ne pouvons retrouver le plein usage de nos facultés que par la réévaluation des habitudes de la pensée, qui ont forgé une personnalité se révélant inconvenante à notre identité unique. Chapitre 15. Le territoire psychique. Le mental est un territoire psychique qui prend expansion lorsque nous apprenons à traiter avec les forces qui définissent ses frontières. Des forces astrales, occultées au sein de nos systèmes de pensée subjectifs et nourries d'émotions, alimentent des valeurs inconscientes, cautionnées en vertu de notre immersion au sein d'une civilisation expérientielle, plutôt que créative. Leur contrôle est accru par l'inertie causée par notre affinité émotive avec des concepts qui sécurisent et maintiennent notre identité fictive. Lorsque le mental croît en conscience, ces notions involutives se transforment radicalement, abandonnant l'ego à lui-même. Les illusions de son soutien astral se dissipent à la lumière d'un nouvel éveil. Ces valeurs cristallisées se dissolvent graduellement, entraînant un état d'esprit plus mature. La maturité du mental surpasse de beaucoup la conscience expérimentale planétaire, gravitant psychiquement vers un système intégral de communication télépathique avec des plans interdimensionnels, qui mènent au rétablissement du circuit conscient avec l'intelligence universelle. Le territoire du mental devient un fait conscient de la vie lorsque l'ego commence à comprendre ce qui distingue l'égocentricité de la centricité psychique. Cette tâche est rendue difficile par la nature de l'inconscience, ou des éléments parasitiques, au sein du vortex mental, amoindrissent la clarté mentale et diminuent la capacité de voir à travers l'ambivalence d'un système de pensée ayant perdu contact avec la réalité psychique. Les valeurs psychologiques conditionnées par la culture constituent de fausses prémices pour la dimension psychique du mental. Elles représentent des aspects inconscients de la mentalité égoïque, et inhibent les éléments psychiques de la pensée reliant l'ego aux paramètres réels de la conscience. L'évolution psychique est la prochaine phase du développement de l'intelligence humaine. Elle accroîtra la conscience que l'ego des plans mentaux supérieurs et révélera les forces qui l'ont retardé par le passé. Le territoire du mental doit être rendu conscient si le moi doit en arriver à traiter intelligemment avec les symboles de sa culture, ou avec ceux d'autres civilisations, qu'ils soient aperçus physiquement, astralement ou éthériquement. Le territoire psychique doit être compris de la même manière que l'espace physique. Le mental a accès à cette compréhension moyennant une force interne suffisante à ce qu'il puisse traiter avec les éléments psychiques qui entravent son intelligence créative. Une myriade de sentiments provenant de l'attachement millénaire à la culture forment une mémoire raciale qui étouffe suffisamment l'ego pour le séparer de son propre territoire psychique. Le territoire du mental devrait être d'une évidence égale à celle du rêve. Que la réalité soit saisie par le biais d'une pensée qui traite des images symboliques à travers l'état du rêve, ou par le processus rationnel de l'expérience éveillée de la pensée, la conscience devrait être maintenue en permanence, afin de protéger notre esprit des interférences psychiques que l'on associe à tort à l'intelligence personnelle. Notre ignorance de la nature multidimensionnelle de la psyché engendre son mystère. L'ego peut apprendre à traiter avec tous les aspects du moi s'il cesse de faire l'autruche. Une approche psychologique limitée à la réalité, fondée sur un comportement égocentrique, mine la compréhension interne par l'intrusion d'éléments parasitiques dans le territoire mental. Les rêves témoignent de la réalité territoriale du mental. Ils constituent le fondement de systèmes de pensée animant des pensées tridimensionnelles en une forme de vie astrale, ou processus dont la fonction sert au développement d'une compréhension psychique accrue du moi. Les rêves constituent la contrepartie astro-psychique du système de la pensée. Ils permettent à la conscience de traiter avec des aspects non pensés ou non désirés de la réalité personnelle, de manière à ne point menacer la perception égoïque, fondement de la conscience inférieure. L'état du rêve est l'autre côté du moi, dont le puzzle interne ne peut être intégré, ou introduit dans le champ de la réalisation consciente par l'ego. Toute personne refusant ou se préservant d'un développement interne, pour des motifs de crainte, se limite par le fait de n'être parvenue à explorer le territoire mental. Elle vit au sein d'un espace mental restreint, laissant derrière elle des rêves irrésolus. Lorsque mal interprétés ou négligés, les rêves ne sont guère relégués à l'oubli. Ils survivent dans le mental inconscient sous des formes tridimensionnelles et affectent le processus quotidien de la pensée par leur présence subliminale. Le mental est un réseau de communication constitué de divers niveaux d'intelligence qui se rencontrent, selon que l'ego possède les ressources lui permettant de focaliser sur les aspects réels du moi plutôt que sur les clichés soutenus par la mémoire subjective de la race. L'inconscience et l'ignorance perpétuelle de ce fait universel de la vie. Le territoire psychique devient illimité lorsque l'ego apprend à assumer sa relation interne avec d'autres niveaux mentaux, sans perdre trace du sien. Autrement, il s'expose à la manipulation astrale, ce qui peut donner suite à l'impuissance créative d'une défaillance psychique, si cette manipulation n'est pas contrôlée. Le territoire psychique s'étend alors que les perceptions de la réalité évoluent au-delà des paramètres subjectifs de la conscience expérientielle. Le mental est un univers. Nous ne parvenons pas à saisir que nous avons à peine effleuré ses composantes, et que nous avons réduit sa vaste étendue au niveau d'un instinct primaire, pour la survie psychologique. Ce que nous savons du mental et de son réseau est si insignifiant qu'il fait de notre connaissance de la vie une comédie psychologique. La notion du territoire psychique du mental ne peut être saisie qu'à travers un savoir pleinement dissocié des systèmes involutifs de la pensée. Nous sommes conditionnés à penser de manière à assurer la sécurité émotionnelle du mental. Ceci réduit l'accès à des systèmes de pensée avancés résidant au-delà des confins rationnels de l'intellect. La conscience du territoire psychique mène à des systèmes de pensée offrant une pleine compréhension de la nature humaine, et des composantes de son réseau multidimensionnel. Dépourvue d'une telle science interne, la psyché demeure un ghetto qui satisfait les pulsions astrales de l'âme, aux dépens d'une intelligence supramentale créative. L'âme contrôle une grande part de l'énergie du mental à travers le centre émotif. Ceci lui permet de soumettre l'homme à une souffrance existentielle, de manière à nourrir le monde de l'âme ou les plans astraux qui, à leur tour, influencent le mental inconscient et distordent de la réalité de l'ego. Dépourvu de la compréhension psychique de la vie, il est impossible de se libérer du matérialisme grossier, ou de la naïveté spirituelle afin d'intégrer les systèmes de pensée qui les énergisent. Nous demeurons des prisonniers karmiques de la vie, sous une forme soit physique ou astrale. L'évolution de la conscience requiert une ouverture du mental à d'autres plans. Le fait de vivre dans le champ restreint d'une expérience intellectuelle conditionnée par les émotions est insuffisant à la compréhension des forces sous-jacentes, actives au cours des univers physiques et psychiques de la vie. La peur et le savoir réel ne s'associent guère. La réalisation selon laquelle le mental est un territoire psychique, un vaste réseau de communication qui requiert une capacité interne à se dissocier de notions préconçues portant sur la réalité, facilitera le contact avec des intelligences qui affectent la vie au niveau individuel, collectif et universel. L'homme nouveau verra et comprendra la toile complexe des forces à l'œuvre, et il lui apparaîtra clairement que la vie devint un mystère lorsque ses aïeux perdirent contact avec les systèmes supérieurs de la pensée. La conscience est un partenariat, au sein duquel l'ajusteur de pensée, ou double accroît sa participation avec le programme des vies à travers la matière basique de l'âme, à partir de laquelle l'ego valide l'expérience physique. L'activité indéfectible de l'ajusteur de pensée, ou de la force de l'esprit à travers l'âme, arrive à un chapitre final dans l'évolution de la conscience lorsque cette dernière a été traversée par sa lumière, l'unifiant psychiquement, ou fusionnant avec son rayon créatif. Néanmoins, ce prochain stade d'évolution de l'intelligence est jalonné de pièges spirituels jamais rencontrés dans la recherche longue et ardue de l'identité de l'être. La connaissance astrale forme le centre même d'un fondement spirituel disparate et planétaire, dont les influences ne peuvent être dissipées qu'à travers une conscience intégrée qui seule a le pouvoir de mettre un terme à la domination spirituelle astrale du moi. La connaissance du mental et de ses territoires internes mettra en lumière la désinformation spirituelle surannée, et laissera l'homme nouveau émotionnellement libre de la contamination astrale d'une spiritualité ayant aliéné son intelligence créative et saborder la réelle compréhension de la conscience du moi. L'ère nouvelle qui se profile par un intérêt irréversible pour les sciences psychiques et spirituelles, prêtera éventuellement attention au message distinct que tout n'est pas résolu, quant à ses intérêts spirituels. Emportés par cette émotion positive illusoire, nombreux sont ceux qui réalisent que l'ère nouvelle ne sera guère aussi cristalline qu'elle apparaît à l'œil spirituel, et que le portrait réel de la réalité cosmique appartient à un temps où les courants de l'influence astrale ne balayeront plus un monde d'incompréhension spirituelle. Il y a plus à la réalité mentale que ceux que de naïfs adeptes du nouvel je peuvent apprécier, ou sacrifier. L'état de conscience avancé de l'ère nouvelle sera entièrement en retrait de toute forme de pensée religieuse, spirituelle ou scientifique dominée astralement. Le mental du nouvel âge accroît son territoire, selon la croissance de la conscience en communication objective avec des systèmes de pensée n'appartenant pas à un ordre involutif. Afin qu'il puisse bénéficier de systèmes de pensée supérieurs, l'ego doit être informé par un nouveau registre de pensée vibratoire, qui transperce la mémoire astrale de la race. La mémoire de la race affaiblit la capacité interne à être hautement réceptif à des systèmes de pensée universels, qui régénèrent la relation et la communication mentale avec des plans qui constituent la source de l'énergie de la pensée. Le territoire psychique du mental est apparenté à un vaste réservoir de savoir découlant de pré-personnalités cosmiques avancées irradiant une énergie vibratoire, au-delà des systèmes de pensée astraux. L'homme pense à partir d'une énergie astrale plutôt qu'à partir d'une énergie mentale et pour cette raison, sa connaissance, tant de la réalité que de soi, demeure relative à des paramètres conditionnés par la mémoire de la race. La connaissance astrale est gouvernée par des âmes désincarnées évoluant par le biais de leur relation avec l'homme, à travers des systèmes de pensée subjectifs qui personnalisent sa conscience involutive. Le mental est un territoire dont on ne peut faire entièrement l'expérience jusqu'à ce que nous ayons été rendus libres de nous séparer de l'enveloppe physique à volonté, en forme éthérique plutôt qu'en forme astrale. Suite à cette étape de l'évolution psychique, il devient évident que le mental n'est pas simplement un système de perception. Il est également une force de transport, dotée de la faculté de veiller au déplacement des enveloppes psychiques subtiles de la constitution humaine à d'autres niveaux. La conscience est constituée de lignes de force actualisées, déterminées par la relation entre l'énergie du mental et les enveloppes de corps subtils formant la part invisible de la réalité humaine. Le mental a plusieurs fonctions. Alors que nous réalisons sa fonction communicative et celle reliée à la pensée, il nous reste à réaliser sa fonction de transport, une fois libéré des systèmes inférieurs de la pensée qui inhibent sa cosmicité. Le territoire du mental s'étend alors que l'ego se désengage de sa mémoire conditionnée et se libère des forces émotionnelles qui le relient à l'égrégore collectif. Le mental est une force active et puissante. Sa fonction intrinsèque est d'affirmer sa réalité au sein de mondes indéfinissables d'un point de vue physique. Une fois éveillé à sa nature interdimensionnelle, la psyché se voit libérée du champ électrique que crée le corps physique et suit les lignes de force aurique qui contiennent les dimensions psychiques du moi. Lorsque les centres psychiques de ce dernier sont suffisamment transmutés, ce processus a lieu tout naturellement, laissant le mental libre d'explorer les limites externes de la conscience, telles que perçues à travers sa propre réalité cosmique, entièrement dissociée des sphères astrales qui tentent à maintenir leur contrôle de ses composantes psychologiques. Le plan éthérique est un plan systémique, dans lequel l'enveloppe éthérique se meut selon des coordonnées d'interdimensionnalité, dans une zone libre ultime d'échange entre des plans et leurs mondes attribués. Le territoire mental n'est pas un concept philosophique. Il constitue une réalité psychique qui unifie la conscience et lui donne un sens, au-delà de son canevas intellectuel. Il constitue un paramètre inconnu de la vie mentale, responsable, dans son état inconscient, de la nature subjective de la pensée humaine. Le mental, à titre de système universel de communication, ne peut mettre en lumière ses aspects mentaux supérieurs jusqu'à ce que l'ego ait compris qu'il est imprégné de courants subtils de la pensée qui constituent son registre conscient et inconscient. Une fois conscient du territoire mental, l'ego accède à ses dimensions transpersonnelles. Ceci lui permet de dissocier la réalité personnelle de ses perceptions subjectives, ce qui accroît sa communication télépathique avec des domaines d'intelligence qui constituent la source de systèmes de pensée universelle ou cosmique. La réalité du territoire mental ne peut plus être mise en cause par l'intellect, dès lors que le centre du mental supérieur a été ouvert et que l'énergie mentale de l'ego a été convertie à un niveau vibratoire indépendant de sa mémoire subjective. L'évolution de l'intelligence humaine, dans le prochain cycle, révélera que nous sommes sur le plan physique en vue d'unifier éventuellement notre conscience avec des forces psychiques irradiant depuis des plans d'intelligence prépersonnelle. La psychologie de l'être ne peut progresser au-delà du niveau astral, avant que la conscience ne se soit ouverte à des systèmes de pensée libres. Le mental consiste en une vaste gamme de plans psychiques faisant interface, dissociés par la fracture du rayon de la création par des notions inconscientes perpétuées au sein de notre civilisation planétaire. L'intelligence est systémique, plus ou moins harmonisée avec les dimensions psychiques globales qui s'étendent à l'infini, au-delà de nos interprétations intellectuelles. Les forces psychiques à l'œuvre, à travers le mental, sont astralisées par la subjectivité en l'homme. Elles ne peuvent se relier à la pensée systémique en raison du besoin égoïque d'identification avec la personnalité, ou dépend de la personne réelle. L'ego sera contraint à abandonner son illusion la plus chère, celle du libre arbitre, avant d'accéder à la réelle liberté, au sein d'un territoire psychique qui implique une correspondance télépathique éventuelle avec des médiums interdimensionnels. De cette manière, l'ego fait progresser la science de la psyché, créant un vacuum psychologique dans un continuum engendré par le contact interne entre l'ajusteur de pensée et le récepteur de la pensée. Des pensées supérieures éprouvent la résistance psychique de l'ego, jusqu'à ce qu'il ait appris à se dissocier de ses valeurs émotionnelles subjectives. Il dévie des pensées pures, tirées vers le bas au niveau des sentiments générés par la pensée, statu quo de la civilisation contemporaine. Le territoire du mental s'étend à travers l'application de lois psychologiques et psychiques, qui déracinent la conscience d'impressions profondément enfouies. Il ne peut perpétrer les tromperies des motifs de la pensée inconsciente, qui dissocient la conscience de sa source. Le territoire du mental équivaut, d'emblée, à un monde accessible par la communication interne, jusqu'à ce que l'on découvre que la communication n'est que la première étape vers l'ouverture de ses frontières. Le mental n'a que peu de rapport avec le processus effectif de la pensée, un aspect limité de ce dernier. Au gré de l'éveil de la conscience, le mental devient une extension, dans le temps et l'espace, d'énergie puissante ayant la capacité de s'organiser en vue de prendre l'apparence de l'être physique, non soumis aux lois de la gravité. Le mental a la capacité de se manifester psychiquement sans le soutien de moyens physiques, ce qui lui permet de faire interface avec les lois de causalité et de les actualiser autrement que par le biais d'un processus mécanique perceptible. Le mental est pure énergie. Il peut intercepter et disséquer des courants d'énergie étant opposés à sa volonté, autant sur les plans physiques que psychiques, forme supérieure de son action créative. L'énergie psychique est la personnalisation de forces multidimensionnelles qui n'ont pas encore attiré l'attention humaine. Il s'agit d'une forme de conscience appartenant à des domaines ayant un effet créatif limité sur la vie et le destin humain. L'ego inconscient ne peut identifier une énergie psychique, autrement qu'à travers les canaux astraux qu'il utilise pour la domination des motifs de la pensée humaine. L'ego est non seulement un siège subjectif de conscience, mais aussi un aspect expérimental d'éveil conscient en évolution. Les forces supérieures ne peuvent traiter harmonieusement avec l'ego jusqu'à ce qu'il ait appris à travailler avec elles, ceci étant un long processus. Lorsque nous reconnaissons la fragilité de la conscience égoïque, nous constatons que nous n'avons guère été instruits à penser d'une manière qui puisse confirmer notre réalité. Si nous n'avions pas été instruits à penser de sorte à nous identifier avec nos pensées, nous aurions découvert que la réalité de la pensée est directement proportionnelle au territoire mental. La réalité du mental transcende le sens que transmettent les pensées à travers des modes de perception interdimensionnels inconscients. L'ego ne fait l'expérience que d'une fraction du moi, ou de l'identité globale. L'autre part est dissimulée quelque part dans le territoire du mental et attend sa découverte, en vertu d'un savoir qui ne peut être obtenu à travers la psychologie rationnelle, ou la philosophie de l'être. La vie mentale est loin d'être chose commune. L'univers du mental correspond à l'univers de l'énergie. Nous avons tendance à séparer le monde en sections, soit matériel, vital, émotionnel et mental. Cette manière de voir les choses est utile mais n'est guère réelle. Un cadavre gisant sur une table, qui respirait peu de temps auparavant, n'est pas une forme absolue de mort, mais un retrait relatif d'énergie mentale. Les émotions caractérisent l'expérience comme étant celle de la mort alors qu'en fait, elle ne fait que représenter un état d'énergie en retrait, par rapport à un niveau précédent, longtemps oublié depuis la naissance. Le territoire du mental est un fait psychique qui sous-tend la réalité du mental, au-delà de l'intellectualisme de nos habitudes de pensée. Le mental est un monde, non pas un état. La notion d'un état provient de notre incapacité à communiquer au sein de ces dimensions hermétiques. Le processus intellectuel fait du mental une expérience perceptible, tout en retenant l'inconnu. C'est à travers le mental que nous pensons, mais c'est également à travers le mental que nous pouvons comprendre les forces à l'œuvre, à tous les niveaux de notre moi conscient. Le moi peut être défini tel une force plus ou moins consciente nous permettant d'organiser notre énergie psychique, en proportion de la pénétration de la dimension mentale par l'ego. Ce n'est qu'à travers un tel éveil que nous pouvons accroître notre participation à divers niveaux de réalité de l'être et nous libérer d'états de conscience inférieurs, qui gouvernent le monde par leur contrôle et la manipulation de nos habitudes de pensée. Le mental est un continuum de communication de la pensée qui cesse d'être expérientiel lorsque nous avons appris à communiquer avec sa contrepartie psychique. Le résultat final de ce développement conscient réside dans la provocation d'événements plutôt que dans l'assujettissement inconscient à ces derniers. Le territoire mental est la science de l'énergie appliquée à la part consciente du mental humain, au niveau du cerveau. Il s'étend au-delà du physique, vers les dimensions astrales et éthériques de la conscience, et à la capacité de représenter les événements futurs tout comme leur destin. Ceci appartient à la dimension inconnue de la conscience humaine et doit être ravivé, avant que le contact ouvert avec d'autres civilisations soit établi. Le territoire mental équivaut à la science de l'univers étudiée à partir du corps physique. Il est une extension de la dimension éthérique de la psyché, au niveau physique de l'expérience de la vie. Le nouveau cycle de l'évolution de l'intelligence sur Terre se manifestera, le moment venu, pour aller à la rencontre d'autres civilisations du monde. Le champ de la conscience humaine doit s'étendre afin d'intégrer une base élargie de communication avec une vie qui participa à notre évolution, dans un passé lointain. Le problème racial sur Terre ne peut être résolu à travers la politique seule, imprégnée telle qu'elle est, de méfiance issue d'une programmation de la pensée inséminée dans la conscience humaine depuis des millénaires. La nature de la réalité ne peut être dissociée de la politique du savoir, qui a maintenu notre civilisation en marge du désespoir depuis si longtemps. Un nouveau cycle d'intelligence portera à la conscience du monde l'impression que les nouvelles générations à venir n'auront plus rien en commun avec les générations du passé. Chapitre 16. Le lien astral. Le corps astral est essentiellement responsable des fonctions sensorielles de la conscience. Sa tâche secondaire est d'entrevoir le monde astral, au travers d'un symbolisme universel connu par le biais du rêve. Le corps astral est le véhicule le plus important pour la perception de la conscience de soi, alors que le corps mental ne demeure que partiellement activé, jusqu'à ce que le moi soit rendu conscient du monde psychique du mental. À ce moment, il découvre sa relation mentale avec des territoires psychiques universels qui constituent le plan éthérique de la conscience, et le champ d'énergie par lequel des civilisations interdimensionnelles voyagent, selon leur ordre systémique. Le contact avec des systèmes de pensée avancés suivra la transmutation de la conscience astrale. Le mental ne peut faire l'expérience d'une communication mentale supérieure sans que la conscience astrale n'ait été révélée et que l'ego ait été éveillé aux lois primaires de la pensée qui structurent son lien avec les mondes interdimensionnels. Le contact avec d'autres plans mentaux, par la manipulation de la forme astrale, est une expérience récurrente au cours de notre histoire. L'évolution de la conscience démontrera que le déplacement astral de l'énergie mentale ne constitue guère une preuve concluante d'une telle expérience, mais simplement un avant-goût de ce que le contact conscient avec l'espace interdimensionnel sera, le temps venu. Il serait égoïste de croire que le contact astral avec d'autres niveaux de conscience est final et absolu, alors qu'il ne s'agit là que d'une épreuve pour le caractère humain, mis en situation psychique en vue de déterminer le degré de réaction émotive éprouvée à ce niveau, avant même que puisse s'établir un contact éthérique et physique intégral, s'il venait à se produire. Alors que la nature astrale de l'expérience a lieu en termes psychiques effectifs, le sujet demeure assujetti à la loi cosmique de la désinformation qui accompagne tout contact humain avec d'autres niveaux de vie, jusqu'à ce que le mental ait été affranchi de son lien astral. Le destin ne repose pas uniquement dans les confins de la civilisation humaine. Comme nous le savons, la civilisation est une ébauche limitée de vie évolutionnaire, qui s'étend bien plus loin que l'on nous incite à croire, ou que nous ne saurions imaginer. Le contact interdimensionnel ne peut avoir lieu sur la base de notre constitution psychologique et de notre connaissance actuelle. Le territoire mental doit d'abord s'étendre et se stabiliser afin que des systèmes de pensée supérieurs puissent imprégner la psyché, de manière à accroître la compréhension de l'ego, en vertu de perceptions déliées. Le mental doit être dépollué, ou déastralisé afin de devenir un continuum accessible à des formes supérieures d'intelligence. Autrement, toute forme de lien psychique est sujet à la désinformation, en accord avec les lois systémiques de l'évolution programmée. Le lien astral est un lien provisoire avec des intelligences issues d'autres plans. Il est parsemé de mensonges et de déceptions ne pouvant être surmontés que par la connaissance de ces lois. La contrepartie éthérique du mental est le plan consommé qui rendra possible la compréhension objective de la réalité systémique. La vie ne commence guère sur le plan physique. Elle ne fait qu'évoluer pour le développement de ses formes physiques, Astral et mental. La vie, telle que nous la connaissons, est une étape nécessaire vers l'immortalité, le lien permanent avec une conscience accomplie, dépourvue de voiles astraux et libre du karma expérientiel de l'âme. La conscience cellulaire doit être élevée en vue d'incorporer les compositions physiques et psychiques, éléments de la force de vie dont l'homme fait partie intégrante, au sein d'autres dimensions et d'où il tire son origine. Le lien astral doit être brisé avant qu'il puisse accéder au plein contrôle de son champ d'énergie et qu'il puisse appliquer sa volonté consciente. Une pleine intégration ne peut avoir lieu qu'après avoir appris à couper son lien avec les plans astraux qui détournent son énergie et le font dévier vers des instincts inférieurs qui colorent sa pensée subjective. L'expérience humaine avancée opéra un renversement complet dans le cours de la vie, reprenant le contrôle de ses dimensions internes. Le lien astral est si fort qu'il entrave celui du moi avec sa propre source. Il se voit réduit à une vie de pantin, incapable de traiter avec la réalité de sa constitution psychique, subtile matière dont il participe. La prochaine ère verra la civilisation, telle que nous la connaissons, s'écrouler sous le poids de l'incroyance à l'endroit des systèmes de pensée qui ont soutenu l'humanité depuis des millénaires. Nous vivons à l'écart de notre réalité psychique depuis trop longtemps, emportés par les influences astrales de nos illusions civilisées. Le mental doit être élevé en vibration par la fragmentation de son astralité. Cette nouvelle donne affectera tous les niveaux de vie sur la planète, de l'individu au corps collectif de gouvernance. L'étoffe de la conscience sera déployée à l'extrême, de manière à libérer le potentiel interne de l'homme à se relier aux dimensions éthériques du mental supérieur de la réalité systémique. La compréhension du lien astral mènera à la compréhension de la conscience, permettant à l'ego de séparer sa réalité propre de sa sensibilité égoïque. Ceci renforcera la relation entre l'homme et sa source au niveau mental, et diminuera sa dépendance des systèmes de pensée ayant le pouvoir de développer l'intellect, mais étant incapable de libérer sa conscience. Le niveau d'éveil du mental ne peut être élevé qu'en vertu du savoir selon lequel le lien astral déforme la réalité propre. Il divise la conscience et mène l'homme à croire que sa réalité est un sous-produit de sa pensée, alors qu'en fait elle est un sous-produit au système de pensée supérieur n'ayant pas encore été intégré par le moi inférieur, ou l'intellect. Ceci explique pourquoi les idées sont souvent perçues, sans être consciemment pensées au niveau astral de la conscience. Le mental est un territoire et non simplement un exercice de la pensée. Pensée est une forme inférieure de conscience, à moins qu'elle ne devienne un territoire psychique, c'est-à-dire conscient, ou un espace permettant au mental de communiquer avec sa source. La pensée ne tire pas son origine du moi inférieur mais vibre à travers son plan mental inférieur. Ceci crée sa coloration ainsi qu'une impression de réalité inconvenante à un entendement supérieur. La réalité du mental est infinie et permet le contact avec d'autres dimensions, tant au niveau éthérique astral. La mort, à titre d'exemple, constitue l'ultime contact entre le plan astral et le plan physique, permettant au moi de se libérer de l'enveloppe physique pour entrer dans une dimension parallèle fondée sur la mémoire. Au-delà de la mort, cependant, la conscience est libre de l'énergie astrale et entre en sympathie, et vibratoire, avec des niveaux de vie intelligente n'étant pas soumis à la psyché humaine fondée sur la mémoire. La mémoire est la mesure ultime de systèmes inférieurs de pensée, alors que le contact télépathique avec les systèmes supérieurs de la pensée implique des plans d'intelligence, mandatés pour l'accroissement de l'éveil et la conscience humaine, au-delà de son périmètre astral. De tels plans sont libres de la mémoire subjective et permettent au moi de distinguer clairement entre les mondes astraux et mentaux. Le lien astral est le périmètre confinant de l'inconscience. Au-delà de ce dernier, l'homme est libre, dans le sens cosmique du terme. Il a enfin l'habileté de savoir, au-delà de toute forme subjective de retenue exercée depuis les mondes parallèles, impliqués à diverses étapes du développement évolutif humain. La psyché humaine est une machine à remonter le temps, qui informe et désinforme selon la nature de son lien avec des êtres astraux. Ces derniers, veillant à leur propre intérêt, dissimulent leur identité derrière le symbolisme humain, de manière à maintenir leur emprise psychique sur la conscience. L'homme n'existe pas par lui-même et pour lui-même seul, jusqu'à ce qu'il ait surmonté son ignorance des lois psychiques internes qui déterminent la manière dont il voit l'univers. Le développement évolutif du mental humain est fondé sur la totale compréhension de la nature de la pensée. Jusqu'à ce que la pensée soit pleinement comprise dans son processus occulte, Les rêves seront interprétés à partir de leur perception astrale, et la pensée demeurera une fonction subjective de l'ego astralisé, déconnectée de sa source et ne servant que l'âme. Le moi doit, au préalable, comprendre la nature de son lien astral s'il doit saisir l'ordre symbolique du monde du rêve, dont la pensée en est la contrepartie organisée et rationnelle. Ceci lui permettra de percevoir la qualité et la profondeur du mental, lorsqu'elles sont déterminées par le pouvoir de la pensée individualisée. La pensée n'est guère simplement un processus réflexif. Elle est un médium de communication interdimensionnelle, opérant, par le biais du mental et pouvant être porté à la connaissance du moi lorsqu'il a appris à accepter sa source supramentale. Le mental donne accès à tout son paysage lorsque l'ego cesse de se sentir menacé par des idées pulsant au-delà de son périmètre astral, siège de sa fausse identité, la personnalité. Le lien astral est la force motrice de l'ignorance tant simple que cultivée. Au-delà de cet état subjectif émerge un être qui ne peut désormais vivre sous des influences qui masquent sa réalité et son savoir, de sorte à préserver celle et celui d'un autre. Lorsque le moi aura reconnu le besoin interne et la force de dynamiser son propre système de pensée individualisée, pouvant l'extraire de ses attitudes subjectives par sa compatibilité avec des niveaux mentaux interdimensionnels, il brisera le lien astral. Le mental n'est guère une commodité humaine mais un territoire psychique dont l'ego fait l'expérience, à travers des attitudes dont il est plus ou moins conscient. Surmontant une complaisante ignorance, la psyché deviendra réceptive à des niveaux mentaux supérieurs. Ceci déterminera sa capacité et son droit à connaître, alors qu'elle se retire graduellement de l'ignorance collective, ceci offrant une mesure de sa conscience involutive greffée à la mémoire de la race. L'évolution ne peut avoir lieu par le biais du processus collectif. L'identité individuelle doit éventuellement être reconquise. Le monde astral insère le moi dans un cycle évolutif collectif dont ce dernier doit s'extraire, de manière à graviter autour de l'individualité, où le mental est libre d'explorer les nombreuses demeures de la réalité. Par ce processus, le moi sera renforcé alors qu'il commence à s'éloigner du périmètre astral de sa conscience. Le contact avec d'autres dimensions demeure un fait hermétique de la vie. Ce dernier s'accroîtra, s'étendra et transparaîtra alors que l'humanité entrera dans une nouvelle phase d'éveil, sa conscience collective se voyant épurée de manière à permettre un meilleur développement de l'intelligence individuelle. L'intellect humain est extrêmement naïf, fier, pseudo-intelligent et borné, en dépit de son apparente sophistication. Il a interféré historiquement avec le plein développement de la pensée consciente. Alors que les idées évolutionnaires infusent le mental moderne et post-moderne, le contact ouvert avec d'autres niveaux mentaux promet de captiver la conscience humaine et de créer, d'emblée, un grand traumatisme, étape nécessaire à l'établissement d'un nouvel ordre dans la science du mental. Le temps prend la part de l'évolution, dès lors que l'alphabet de la conscience a été appris. Le contrôle psychique de son destin ne peut que procéder d'un contrôle du lien astral. L'ambivalence vécue par la pensée doit être apaisée afin que nous puissions entrer en contact et fusionner individuellement, en temps psychique, avec l'intelligence interdimensionnelle. La nature de la conscience n'est guère mesurable par l'intellect. Ceci explique la difficulté que nous éprouvons dans l'expérience de la vie, à tous les niveaux. Nous nous attendons à ce que la vie se comporte telle que nous la souhaitons, or il n'en est jamais ainsi, car le lien karmique avec le plan astral n'a pas été brisé au niveau planétaire. Nous parions constamment pour le meilleur et craignons pour le pire. La vie n'est guère harmonisée suffisamment aux dimensions supérieures de la psyché pour permettre une réelle autodétermination et liberté. Le lien astral est notre passeport à l'expérience récurrente, plutôt qu'à une paix permanente. Le lien astral entrave la vie paisible du moi, en raison de son bombardement négatif du mental et de son effet décentrant sur la focalisation mentale, par le biais d'émotions nourries d'angoisse. Il couvre la gamme complète de l'expérience humaine, dès la naissance jusqu'au moment de la mort. Il constitue un piège, d'une présence inimaginable et d'une puissance telle qu'il affaiblit le centre de la conscience et soumet la vie à des influences subtiles, qui déforment éventuellement l'intelligence créative. Le mental inconscient se voit accablé de forces si pénétrantes qu'il crée un barrage à l'encontre de la conscience supérieure, laissant l'ego sans repère, dans le besoin perpétuel de se justifier soi-même. Le lien astral est une force dont il faut tenir compte. Il se renforce imperceptiblement alors que l'ego se désengage davantage de son centre. La vie devient plus difficile avec le passage du temps. Le retour à un centre interne focalisé requiert une rupture radicale à l'endroit des habitudes de pensée de toute une vie, ayant paralysé le mental à travers l'illusion, la crainte et le besoin de croire. Le mental s'alimente d'impressions mentales, contrariées par les émotions tout au long de l'expérience humaine. Il ne peut évoluer au-delà de ses limites astrales, jusqu'à ce qu'il se soit libéré des motifs historiques de la pensée, imposés par la civilisation. Le mental ne peut se développer en une entité autonome, jusqu'à ce qu'il ait converti sa connaissance psychologique en une forme de conscience psychique entièrement indépendante des archétypes collectifs de l'humanité. Les archétypes sont des symboles astraux ayant pour effet d'engendrer de puissants systèmes de pensée et de comportements référentiels, conditionnant le mental à une manière de penser servant le niveau expérientiel de la conscience de l'âme, plutôt que les dimensions intelligentes de l'éveil égoïque. Le lien astral a le lien expérientiel avec le monde de l'âme. Seule la sphère supramentale peut apporter le savoir et la compréhension de la fonction des archétypes astraux utilisés au cours de la période involutive de l'histoire humaine, en vue de maintenir l'homme prisonnier de systèmes de croyances antagonistes. Le fait que les archétypes existent ne les rend guère fondamentaux à la structure psychique du mental. Tant de croyances à leur endroit nous soumet à leur signification astrale et nous éloigne de la puissante portée d'un lien supramental avec les forces de l'ajusteur de pensée, résidant au fondement même du système de la pensée humaine. Le mental inconscient est inondé par les appétits astraux de l'âme, manifestés à travers les aspects subjectifs de la connaissance humaine, inculqués depuis la naissance. L'homme est à ce point dissocié de son propre centre qu'il a peu ou aucune habileté à se libérer volontairement de notions ayant donné au mental humain un rôle servile dans l'évolution de la conscience. Le lien astral impartit au mental tous les éléments possibles et imaginables qu'il requiert, du point de vue émotionnel, pour soutenir les forces de l'âme qui se réunissent en un modèle psychique déviant de la réalité. La psyché, lorsqu'alimentée à partir de sources externes, tant à absorber des éléments tout au long des lignes de moindre résistance, n'ayant pas la maturité de soutenir sa propre réalité dimensionnelle interne, qui engendrerait instamment son divorce à l'endroit de sa passivité induite collectivement. La notion selon laquelle l'homme est un être intelligent, est fondée sur sa capacité à traiter avec la matière. Or, ici même, son intelligence est mise en cause, considérant le tort qu'il a causé à son prochain, voire à sa planète. Dès lors qu'il se dirige vers des sphères plus éthérielles, il en perd sa contenance et se veut forcé à s'identifier à des formes de connaissances qui conviennent à ses besoins émotifs, sur une base primaire. Une quantité substantielle de savoir transparaît, non pas des efforts rationnels du mental, mais bien des éléments composites du supramental, qui en font un système universel de communication avec d'autres niveaux. Ceci demeurera un fait difficile à absorber, aussi longtemps que l'intellect refuse si ardemment de constater l'intervention psychique de la réalité multidimensionnelle, dans les affaires des hommes, à tous les niveaux de leur expérience. Chapitre 17. Le symbolisme submental. La civilisation domine le mental inconscient, l'immergeant dans son énergie collective et submentale, où il n'évolue qu'en vertu de changements survenant au sein de la mémoire collective des psychés individuelles qui résument la structure symbolique de la civilisation entière. La civilisation et son ordre interne ne se développent guère dans un vacuum. Ses forces vitales, soutenues par la totalité de l'énergie mentale individuelle, sont sujettes à une récupération inévitable, dès lors qu'une masse critique d'indifférence a été atteinte globalement par les individus qui la composent. La civilisation involutive a pu progresser comme si mue par ses propres moyens, ne serait-ce qu'en apparence, un destin collectif se résumant en son symbolisme total. Dans le nouveau cycle évolutionnaire, les symboles de la civilisation seront rejetés avec dissidence, par une conscience de plus en plus individualisée. L'universalisation des droits de l'homme et ses valeurs renouvelées peuvent se répandre dès lors que le symbolisme submental de la civilisation et ses conséquences ont été exposés. Le moment venu, où les symboles collectifs auront cessé d'exercer une autorité sur le destin spirituel et temporel des membres de plus en plus individualisés de la société, portera le signe distinct d'une ère nouvelle. Le moi plus conscient cessera de se soumettre au mental de la civilisation et de ses archétypes en usage. À ce point précis, des idées évolutionnaires feront irruption dans des domaines d'enquête humaine ayant, par le passé, été privés de la légitimité de notions hermétiques qui auraient affaibli le pouvoir du symbolisme astral de la civilisation sur la conscience humaine. La civilisation est fondée sur un symbolisme qui déséquilibre la conscience individuelle et la relie à un rôle autonégateur, au détriment d'un ordre plus mental de développement. Elle constitue une force qui tend à homogénéiser la pensée et à maintenir le moi dans un statut d'importance, périnumérale. Ceci changera avec l'élimination systématique des forces temporelles ou spirituelles du paysage social, tant dictatorial, totalitaire que dogmatique, qui use de l'autorité comme d'une camisole de force, pour subjuguer le développement individuel et entraver de nouvelles avancées dans le domaine de la pensée individualisée. La conscience submentale prédispose le moi à un conformisme symbolique, l'évinçant de son propre centre mental. Son lien fictif est constamment renouvelé par la réserve mentale d'une civilisation qui dépouille plutôt qu'elle ne donne. Une civilisation involutive n'accorde point de place aux besoins réels. Ceci détruirait son fondement et engendrerait un nouveau cycle évolutionnaire nécessitant une nouvelle gamme de lois. Or, dans un avenir rapproché, la conscience individualisée sera le point visé par une croissance interne, en vue de contrebalancer la masse critique des idées institutionnalisées et involutives. L'axe mental de la civilisation correspondra à celui de l'individu, lorsque son symbolisme aura été éradiqué de sa conscience à travers l'évolution de la pensée supramentale. Ceci aura lieu sur une base individuelle, puisque la croissance mentale ne peut partager la pensée collective involutive, égrégore servant à astraliser la conscience de soi. Le symbolisme actualise l'énergie astrale qui dicte le niveau de réaction émotionnelle requis afin d'assurer la survie psychologique du membre inconscient au sein de sa race collective. S'il était conscient et violé mentalement, tel qu'il est, par des systèmes de croyances dans l'intérêt de la civilisation, il décoderait le symbolisme submental, s'extirperait de sa toile astrale perpétuelle et l'utiliserait de manière créative vers une pleine compréhension de cette chronique cosmique qui circule à travers son mental entrouvert. Le décodage du symbolisme est une fonction créative intégrale du mental individualisé. Il démasque les éléments porteurs de sens dans le monde astral, librement appréhendés à travers les canaux mentaux. Ceci accroît l'équilibre de la psyché et promeut la compréhension des couches profondes de la connaissance cosmique, dissimulée derrière les symboles. Le symbolisme est une qualité submentale de la pensée inconsciente, par laquelle elle prend forme. Il permet au mental de traiter avec sa sous-réalité et de faire face à sa structure psychique organisationnelle en toute impunité. Alors que la conscience évolue vers un nouvel ordre mental, elle s'écartera davantage de l'imposition des symboles. Le besoin de savoir accroîtra l'habileté à communiquer parfaitement avec les plans mentaux qui assurent la survie psychique. La civilisation n'a que peu de choix autres que celui de faire usage du symbolisme, n'ayant pas l'habileté, à titre de mental collectif, d'intégrer, dans un même temps, les forces systémiques de l'évolution de tous ces territoires, tant physiques, psychologiques que psychiques. L'homme inconscient a des limites identiques, jusqu'à ce qu'il ait appris les lois supérieures du mental. Le symbolisme devient alors un besoin référentiel moindre et se voit entièrement rejeté lors de l'étape finale de l'évolution de la race. Ceci sera une ère nouvelle, où les besoins de l'homme coïncideront avec ceux d'un ordre social transmuté, lequel, à ce jour, ne peut qu'offrir un abri fictif. Le symbolisme submental a le pouvoir acquis de la civilisation. Il est submental en vertu de sa focalisation sur les ambiguïtés de la conscience, nonobstant son rôle psychologique ou psychique apparent. Il ne peut être compris de manière parfaitement objective, à moins d'être étudié en pleine conscience de sa toile de fond interdimensionnelle. Le symbolisme paralyse l'intellect inconscient, déformant son entendement des forces de l'âme. Les systèmes mentaux supérieurs, qui outrepassent la réflexion et informent l'ego de son sens dimensionnel, tel que révélé à la source de la pensée en soi, ne peuvent être accessibles à travers le symbolisme.